Alors, bonjour Eliane. Bonjour. Tu es venue nous parler aujourd'hui de danse, c'est bien ça? Oui, c'est ça. OK, qu'est-ce que tu as à nous dire à propos de la danse? En fait, la danse, ça peut être quatre choses. Ça peut être un sport, un art, un rite ou un divertissement. OK, puis comment tu qualifierais par exemple ce que je fais en ce moment là, si je me lève? Est-ce que tu dirais que c'est un art ou que c'est un sport? C'est ridicule. C'est ridicule. Bon, OK. Fait que ça serait comme une cinquième catégorie, là, qui est pas... Oui. OK, parfait. Donc, tu nous disais, ça peut être un art, un sport. Un rythme ou un divertissement. OK. Et dans le fond, la danse, c'est un enchaînement de mouvements Oui. que tu peux soit tourner, sauter, se courber, s'étirer. Ou combiner toutes ces affaires-là en même temps. Ouais. OK. Par exemple, là, moi j'ai écouté récemment l'émission Révolution, je ne sais pas si tu connais. Ouais. Ouais, bon, ils font pas juste tourner ou sauter, là. Souvent ils sautent, ils tournent, puis c'est même un peu difficile de voir exactement ce qu'ils ont fait. OK, donc c'est une combinaison de mouvements, c'est un. Ça fait quoi? Ça Comment fait une ça sert à chorégraphie. quoi la danse? Au début, parce que ça a été inventé dans la préhistoire, ça OK. servait à exprimer ses émotions. Puis au début, c'était pas accompagné de musique, mais au fil des années, l'émotion est plus partie, puis la musique a laissé sa place, parce que la musique a disait une émotion. OK. Puis on a la preuve qu'ils dansaient à la préhistoire parce qu'il y a des peintures sur des rochers c'était des peintures de danse. OK. C'était comme des témoins de danse. Puis là, tu me dis, dans la préhistoire, est-ce que c'était accompagné de musique ou... Non, c'était pas OK, c'était accompagné de musique. juste... Puis au fur et à mesure du temps, il y a eu de la musique. OK, parfait. C'est bon. Puis à part de ça, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre? À partir de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, je présume que ça s'est Ouais, il y a eu une développé. évolution, il y a eu des types de danse qui se sont développés parce qu'au début c'était plus comme tourner, sauter, taper des mains. OK. Puis après ça, c'est devenu des mouvements, des roulades par terre. Tu t'étires, tu te courbes, puis après, il y a eu des chorégraphies, des OK. styles de danse. Ouais. Puis des choses très codées, là, comme des mouvements obligatoires, des Ouais. choses qu'on doit absolument faire quand on danse, comme rien comme ce que j'ai fait tantôt, là. Non. Non, c'est ça. Okay. Est-ce que toi, tu danses? Ouais. Comment on peut parler de ouais, c'est ça? Ben, moi, je fais de la danse, un peu. Quelle sorte de danse tu fais? Tu fais-tu de la danse divertissement ou de la danse art ou de Du la danse sport. sport? Ah, OK. Je fais du jazz contemporain. OK. Ouais. Fait que ça, as-tu le droit de tout faire quand tu fais du jazz contemporain ou il y a des codes? Ben, je comprends pas votre question. Ben, est-ce qu'il y a des mouvements imposés? Ouais, ben, il y a Par des. exemple, comme le ballet, c'est très codé. Il y a des... Ouais. Ben, comme par exemple, il y a des mou les mouvements sont plus par terre, des pirouettes. OK. Puis, c'est plus lent comme danse que d'autres. Puis, OK. OK. Ça fait-tu longtemps que tu fais ça? Est-ce qu'on peut te voir en pas spectacle? vraiment. Y a-tu des vidéos disponibles sur YouTube? Je sais pas. Non. Non, non, il n'y a rien de... Non. Non. OK. Puis je peux aussi vous parler des compagnies de danse et de ballet. Ben oui, c'est ça. Il y Bonne idée. a l'Opéra de Paris OK. et le Bolchoï. Le Bolchoï, oui. Ouais, les ballets russes. OK. Puis le Royal Ballet. Ça, c'est OK. les principaux. Ça, c'est les endroits où on peut voir des grands danseurs de ballet. Ouais, puis des chorégraphes. OK, parfait. Puis y a-tu des... Non, j'imagine que là, il n'y a pas énormément de tournées de spectacles de ballet dans les Non, vraiment environs pas. actuellement. Non, c'est ça. OK. Ben écoute, merci. Est-ce que tu avais autre chose à nous dire à propos de la danse que j'ai oublié de souligner? Non, je pense que Non? c'est tout. Ça va? OK. Bon, ben écoute, je te remercie, puis on se Ça fait reparle plaisir. une autre fois, Au peut-être. revoir. Bye bye.